Rien n'est jamais vraiment perdu tant qu'on a une bonne histoire et quelqu'un à qui la raconter. Tu te rappelles ? Hein ? C'est toi qui m'as dit ça. Tu dois en avoir des tonnes d'histoires à raconter. Tout le monde sera suspendu à tes lèvres. Et ils seront tous dingues de ta musique. Tu peux me croire. Je reste fidèle à mes sales trônes, je change pas de physique d'épaule. Laisse-moi rapper mes paroles de vandale. À défaut d'être le plus riche, je reste pauvre dans mes clips. Toujours pas de pute, toujours pas de magnum, de champagne. Râle-bol, le temps passe. Je voudrais rendre la foule hystérique, mais pour l'instant y'a que ma rhum que je rembarge. Je bosse pour que ça cogne, je marmonne de grandes phases. Je reste simple, mon rap parle au grand et à un tas de jeunes. Je pars seul, je prends large, mais t'en fais pas. Si cette vie est un coma, t'es branché chez moi. Ici j'ai tant fait de mal, ouais je m'en vais de là. Ici on veut stopper la faim dans le monde sans se soucier du sens. Un briquet de vent chez soi. Ah, je voudrais que mon premier album marche, mais pour l'instant il me faut des sous. Du coup je buzz, j'ai pas trop le choix. Si je fais un gosse, je donnerai l'amour que m'a donné ma Ronda. Côté rap, je me dois d'être sincère, pas venu prôner quoi que ce soit, c'est mort. J'ai des kilos de plomb dans le crâne, mais pas un gramme de faute, merde t'en es. J'ai la carrure d'une allumette et je compte bien faire l'on veut. Dans un milieu où je vois déjà trop de mecs flambés. Je m'en fous d'être dans le top 10 danger. L'amour de mes proches, je fais gaffe à ce que je raconte. Certains jeunes qui m'écoutent respectent plus mes paroles que leur sort air rentré. J'écris ça perdu en fin d'après-midi. Tu diras que le rap m'a changé. Moi je dirais que je suis enfin moi-même. J'ai de moins en moins de potes depuis que l'amitié se résume. Je te laisse crever seul. Par contre, dès que je suis ancien, je t'appelle. Place et y'en a marre. Je balance un CD en guise de pavé dans la mare. Je veux pas régner dans ce biz. Je veux juste rapper sans avoir à écouter ce que les gens me disent. D'ailleurs, je crois que je vais reprendre à boire. Là, les gens m'ont saoulé. Sans plaque, m'amène. Ça passe du biberon au Jack Daniel. On boit des litres, on stulpite le foie. On stulpite le foie. Demande-moi si le rap ça paye. Je te répondrai que mes rimes sont plus riches que moi. J'ai le cœur palavré. Ma paix intérieure est claustrophobe. Mon côté fleur bleue affané. J'écris pas de titres que les meufs redonnent. Les refs me donnent de la force, mais c'est seul que je dois ramer. Ah. J'ai des kilos de plomb dans le crâne, mais pas un gramme de faute, merde t'en es. J'ai la carrure d'une allumette et je compte bien faire l'on veut. Dans un milieu où je vois déjà trop de mecs flambés. Je m'en fous d'être dans le top 10 danger. L'amour de mes proches, je fais gaffe à ce que je raconte. Certains jeunes qui m'écoutent respectent plus mes paroles que leur sort air rentré. Qu'on se remette en question serait déjà pas mal. Très loin des canicules, dans nos cœurs c'est le froid glacial. Beaucoup baissent leur vie pendant que cette guerre simule. On regarde la vérité en face, le temps d'une éjac faciale. Nos chances sont pas si nulles, de toute façon je m'en tape ce que les gens pensent. Mais sur œuf, j'en ai marre de les entendre, j'ai rien à prouver. Va chercher l'album, ou viens voir au fond de mes chiottes. Un lendemain de cuite si tu veux voir ce que j'ai dans le ventre hein. C'est pas la rue que je prône, j'ai pas la carrure de l'homme qui fait des pompes, des tractions. Non, j'attends le décompte, ouais de façon. Y'a que quand il s'agit d'être le roi des cons que j'ai ma place sur le trône. Je répète, c'est pas la rue que je prône, j'ai pas la carrure de l'homme qui fait des pompes, des tractions. Non, j'attends le décompte, ouais de façon. Y'a que quand il s'agit d'être le roi des cons que j'ai ma place sur le trône.